Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold. J'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine sur votre radio, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission sur internet en podcast sur solidgold.mypodcast.com. Nous avons un album fil rouge chaque semaine et vous venez de l'entendre cette semaine. C'est un album de Dionne Warwick qui va nous accompagner tout au long de l'émission. C'est une réédition d'un de ses albums, celui de 1980 qui s'appelle No Night So Long et qui n'a jamais été réédité en CD. C'est le seul album de sa période Arista qui n'avait jamais été réédité en CD. Dionne Warwick, vous le savez, c'est la mascotte de Solid Gold puisque c'est elle qui chante le générique de l'émission chaque semaine. Et cet album donc a été produit par Steve Buckingham en 1980. Il faisait suite au méga succès de l'album précédent qui s'appelait Dionne, qui a été album de platine, qui est resté un an dans les charts aux États-Unis et qui a valu 2 Grammy Awards à Dionne Warwick. Et nous allons donc écouter cet album en entier, plus 3 inédits, 3 bonus qui sont dans cette réédition. Réédition initiée comme beaucoup d'albums R&B ces dernières années par le journaliste américain David Nathan. On vient d'entendre Easy Love, premier extrait de cet album. On retrouve tout de suite Dionne Warwick avec No Night So Long, la chanson titre de l'album. Dionne Warwick est l'artiste fil rouge de ce Solid Gold de numéro 282. C'est parti. An old friend told me that you just ran out of chances. One too many dances down the narrow street of time. Remember how we faced the world like two tramps shining. Please don't let that magic. Living on the wind. The long and dusty road had us both crying. We used up our last joke just to try and smile again. And only now I find I know what we were learning. Though it's dark and you have traveled far, every long you used to do. get up, turn it loose, give it up, turn it loose. I went downtown the other day and I heard a woman say, I do all I can for that man, at home he still won't stay. I could tell the way that woman spoke, her heart was truly broke. She said, if a man can't treat his woman right, give her good loving day and night, he sure ought to give it up, turn it loose. Give it up, turn it loose. When you need your man to be satisfied and he tells you no with no reason why, you will finally find out for yourself there ain't no love between the two of you left. Give it up, turn it loose. Give it up, turn it loose. When you try as hard as you can to do what you think is right, and still you get that same old cold shoulder, ooh, that same old shoulder, late at night, late at night, late at night. Here's what you do. Give it up, turn it loose, give it up, turn it loose. When you've done all you can do, give it up. When you see it just ain't no use, turn it loose. Night when you laying down and you need some hugging, but no one's around. You walk around all day long with love on your mind. You're thinking about the love that you just get sometime. Give it up, turn it loose. Give it up. Sitting there by your side and there ain't no company at all, all you need is a little loving touch, and when you don't get it, ooh, it hurts you so much. Give it up, turn it loose, give it up. Not an illusion to me. You know I can tell by the way that you're taking my hand. In a moment of sadness, your gladness is there to surround me, astound me, and you care. I've seen all the people waiting at the station. No imagination there, too busy doing nothing, making all kinds of arrangements, but nothing's really changing them. They're still asking why their well is dry. I try to tell them that love is the answer. They need a beautiful dreamer. If I could, I'd share you with them. Oh, but you know it took so very long to find what I'm needing, and my greatest obsession is doing my best just to keep and love you, 'cause you care. You're one in a million, always giving in to me whenever I begin to act like I'm crazy. Never try to alter my integrity. How could I not be proud to have your wisdom? You're such a beautiful dreamer. You are like magic to me. You share all your love in your life, and your love is so fine in my life, and you know it's just what I've been searching for, looking for, and you care. Vous apportez chaque semaine le meilleur de la variété anglo-saxonne des années 50 à nos jours, on va dire. Eh bien, c'est la mission de Solid Gold qui vous fait écouter des grands artistes et puis quelquefois des artistes qu'on connaît beaucoup moins en France. Elle, on la connaît, c'est Natalie Cole. On vient de l'entendre avec Beautiful Dreamer et juste avant, c'était Tyrone Davis et Give It Up, Turn It Loose. Dionne Warwick nous accompagne tout au long de l'émission ce soir avec son album No Night So Long, un album produit par Steve Buckingham en 1980. On va retrouver tout de suite une chanson écrite par Carol Bayer-Sager qui s'appelle It's the Falling in Love. Carol Bayer-Sager et David Foster, s'il vous plaît. C'est une chanson qui avait déjà été enregistrée une première fois par Carol Bayer-Sager sur un de ses albums. Et puis l'année précédente, figurez-vous, par Michael Jackson sur son album Off the Wall. It's the Falling in Love. C'est la chanson de Dionne Warwick qu'on va écouter tout de suite. Et puis un crooner actuel, il s'appelle Michael Feinstein. Et The Same Hello, The Same Goodbye, ce sera juste après. It's the falling in love that's making me high. It's the being in love that makes me cry, cry, cry. It's the falling in love, falling in love. Baby, you got me falling in love. You got me falling in love. You got me falling in love. You're not like any. Someone's always doing someone more. Weeping, and I should care. I should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. And it's funny how sheep can really lull you to sleep. So I should care. And I should let it upset me. I know that I should really care. It just doesn't get me. Maybe I won't find someone as wonderful as you. But I should care. Well, darling, yeah, I really do. It just doesn't get me. Maybe I won't find someone, yeah, as wonderful as you. But Timmy Euro dans Solid Gold avec I Should Care, et juste avant Michael Feinstein, The Same Hello, The Same Goodbye. On va retrouver Dionne Warwick, puisque c'est elle, notre artiste fil rouge ce soir, avec son album No Night So Long. Et même si l'album a gentiment marché à l'époque, ça a été une surprise qu'il ne soit pas dans la lignée de succès de son prédécesseur, qui était l'album Dionne, produit par Barry Manilow, et qui avait consacré le grand retour au devant de la scène de Dionne Warwick, alors que trois ans avant cet album No Night So Long, elle n'était pas loin d'abandonner le show business pour devenir prof de musique. On va la retrouver avec When the World Runs Out of Love, extrait de l'album No Night So Long, qui est notre album fil rouge. Et puis ensuite, on ira en Georgia avec Jim Cross et Walking Back to Georgia. Turned into a ghost town overnight, and all that was left of love was one lonely light. It would be you, love, holding on to you, love, if only in my eyes. And if by chance we all fell asleep, and there was only one dream we could keep, I'd keep yours, love, locked inside my heart, love, all through the night. I'd rather hide. I don't wanna be in a place where my then just before they left, we found one to save. I'd save yours, love, the only place where there's love for all of my life. I don't wanna be in a place when the world is out of love. Only by your side, there's nowhere else I'd rather hide. To Georgia, and I hope she will take me back. Nothing in my pockets, and all I own is upon my back. But she's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down without a hot, loving Georgia girl. Back to Georgia, she's the only one who knows how it feels when you lose a dream and how it feels when you dream alone. But she's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down without a hard loving Georgia girl. Georgia, can you hear me calling? Oh, I'll be home in just a while. And if I had to, I'd be crawling just to share another morning smile. But you're the girl who said you love me on that hot, dusty long ago. And if you're still around, I'm gonna settle down with you, my hard-loving Georgia girl. Because I'm walking back to Georgia, and I hope she will take me back. Nothing in my pockets, and all I own is upon my back. But she's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down without a hard-loving Georgia girl. You so long. First it was here, then it was gone. We never said goodbye, never understood what happened. We never said goodbye. Did you ever wonder why? We never said goodbye. Maybe tonight des gros tubes de l'album précédent de Dionne Warwick. C'était une chanson qui s'appelait Déjà Vu, écrite par Isaac Hayes et Adrienne Anderson, qui lui avait d'ailleurs valu le Grammy Award du meilleur morceau R&B de l'année à l'époque. Et bien Adrienne Anderson et Isaac Hayes ont remis le couvert sur l'album No Nights So Long pour produire cette chanson qu'on vient d'entendre et qui s'appelle We Never Said Goodbye. Et puis juste avant, c'était les Platters avec Sweet Sweet Loving. Dionne Warwick, donc, avec son album No Night So Long et l'artiste fil rouge de Solid Gold ce soir. On va donc écouter, dérouler tout l'album No Night So Long, mais c'est surtout cette réédition qui nous intéresse. L'album vient de sortir pour la première fois en DVD. Il y avait une sortie assez discrète au Japon il y a une quinzaine d'années, mais sinon l'album n'était jamais sorti en CD à l'international. C'est chose faite avec 3 inédits. Que nous écouterons bien sûr, enfin 3 inédits en CD que nous découvrirons bien sûr. On retrouve tout de suite Dionne Warwick avec How You Once Loved Me, et puis ce sera un petit jeune après Kevin Michael. What used to matter most to me has no importance now. I wish I knew how to love again. I'll keep most all your praises in the bureau down the hall. And when I'm meant to hurt me, I look them through. And I think of you, how you loved me. Different from little boys. love is just a toy they can play with. We were just this foolish. Now I can't be that way. Maybe you feel just as strange and too afraid to say. I can find a way to say I love you. Just one who calls us. But all my gangsta friends, the same thing. I'm saying we all want the same thing. DJs in the clubs, Jesus freaks and we all want the same thing. We all want the same thing. I'm telling you that we all want the same. comme beaucoup de chanteurs et de chanteuses noires américaines, Dionne Warwick a commencé dans le gospel, Patti LaBelle aussi, elles ont toutes les deux sorti d'ailleurs des albums de gospel. C'était le cas de Patti LaBelle qu'on vient d'entendre avec un extrait de son album The Gospel According to Patti LaBelle en duo avec Mary Mary et une chanson qui s'appelle Anything. Juste avant, c'était Kevin Michael avec We All Want the Same Thing. On va retrouver Dionne Warwick tout de suite avec un extrait de cet album No Night So Long, un album de 1980 qui vient d'être réédité en CD. C'est une reprise qu'on va écouter maintenant, une reprise qui était sur, la chanson originale était sur le premier album de Peebo Bryson en 1978. La chanson s'appelle Reaching for the Sky et puis on ira du côté de la country après puisqu'on aime bien mélanger les genres dans Solid Gold puisque ce sera Kenny Chesney avec How Forever Feels. big orange ball sinking in the water. Toes in the sand, couldn't get much hotter. Little umbrella-shaped margaritas, coconut oil tanning senoritas. Oh, now I know how Jimmy Buffett feels. Hands on the wheel, cruising down the interstate. Gas pedal sticks, carries my car away. I was going as fast as a rambler goes. I could feel the speed from my head to my toes. Oh, now I know how Richard Petty feels. Well, I've been around a block a time or two. Done almost everything a boy can do. I've done some living, yeah, I've had fun. But there is one thing that I haven't done. Saved 2 months, bought a little diamond. Tonight's the night, feels like perfect timing. Down on one knee on mama's front steps. Man, I'm gonna die if she really says yes. Forever feels. Well, I've been around the block a time or two. Done almost everything a boy can do. I've done some living, yeah, I've had fun. But there is one thing that I haven't done. I want to know how forever feels. she thinks of you at home. Thinking late at night when it's dark and she's alone. Why can't you take her out and spend some of your dough? Pretend that she is just your friend. Deep inside she knows she's in love with you, but she's too shy to say it. Don't know if you know, but she's infatuated. Yes or no one else, you're the apple of her eye. Will you be good to her, or will you make her cry? She's in love with you, but she's too shy to say it. Don't know if you know, but she's infatuated. Yes or no one else, you're the apple of her eye. Will you be good to her, or will you make her cry? Jules Holland est un musicien qui fait beaucoup d'émissions de télévision aux États-Unis. Il invite des chanteurs, des chanteuses à chanter avec lui. Dionne Warwick a travaillé avec lui. Là, c'était un extrait de son album The Informer, où il est avec la chanteuse Ruby Turner. La chanson s'appelle aussi The Informer, juste avant Kenny Chesney. On va retrouver Dionne Warwick, bien sûr, puisque c'est notre artiste fil rouge de ce soir. Son album No Night So Long nous accompagne depuis le début de l'émission et nous l'écouterons jusqu'à la fin. Avec les trois bonus qui sont sur cette réédition, qui sont soit des deuxièmes phases de 45 tours, ou bien une autre chanson dont je vous parlerai tout à l'heure. On va la retrouver tout de suite avec un morceau très léger qui s'appelle Sweetie Pie, et puis après ce sera un de ses copains, le regretté Luther Vandross, avec un de ses premiers tubes dans les années 80, Never Too Much. So fresh. my God ain't like my low fantasy. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Oh my love, a thousand kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. Oh my love, a million days in your arms is never too much. I just don't wanna stop. Too much, never too much, never too much, never too much. Started. I called you up but you weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the beginning. Oh my love, a thousand kisses from you is never enough. I just don't wanna stop. Oh my never too much, never too much. You weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the beginning. Too much, never too much, never too much. everybody's been taken till my poor heart is breaking. It's so hard believing that life is worth living. But now that I met you, I see a chance that you might come through. Don't let me down. Right now I'll stand, my heart is you wanna be somebody's angel, just for tonight. Only you can save me. Only you do it right. Somebody's angel, just for tonight. Only you can save me. Only you do it right. Somebody's angel, just for tonight. Only you can save me. Only you, only you. The Soul Soul Orchestra dans Solid Gold avec Soul Soul Rainbow et à l'instant Dionne Warwick, un extrait de son album No Night So Long qui est notre album fil rouge ce soir. La chanson que l'on vient d'entendre s'appelle Somebody's Angel, elle a été coécrite par Peter Allen. Il y a du beau monde sur cet album produit par Steve Buckingham. On va la retrouver tout de suite, bien sûr. Nouvel extrait, c'est le dernier extrait qui figurait sur l'album original. C'est le dernier morceau qui figurait sur la première édition de l'album No Night So Long en 1980. Très belle chanson qui s'appelle We Had This Time. Et puis, on restera dans la douceur après avec John Denver et Looking for Space. We didn't try to make it. We only walked away after we tried. No one's gonna say we didn't hold on for the ride. We had this time. and the memories still turning and burning my mind. We had the sky, but baby, it's a crime. We had to leave. Found the perfect dream. I swear. But when the dream came true, well, the dreamers. And the memories still turning and burning my mind. Oh, we had this time, but baby, it's a crime. Understand, it's a sweet. said it's just that way. When you're looking for space and to find out who you are, when you're looking to try and reach the stars, it's a sweet, sweet, sweet dream. Sometimes I'm almost there. Sometimes I fly like an eagle, and sometimes I'm deep in despair. Sometimes I fly like an eagle. Grande copine de Dionne Warwick, Gladys Knight, qui était là avec son groupe The Pips, Gladys Knight and The Pips, donc For Once in My Life, reprise d'un grand standard de la chanson américaine. Et juste avant, un champion de la country, John Denver, qui chantait Looking for Space. Bah, on a fini tous les morceaux de l'album original No Night So Long de 1980. On va maintenant attaquer les bonus. La chanson qu'on va écouter maintenant s'appelle Dedicate This Heart. Elle figurait au départ sur l'album Hot Live and Otherwise, l'album qui est sorti juste l'année d'après, No Night So Long. Et par manque de place, elle ne figurait pas sur la réédition récente en CD qu'on a écoutée dans Solid Gold il y a quelques mois. On va la retrouver maintenant, tout de suite. Dedicate This Heart, c'est une reprise des Doobie Brothers, Michael McDonald et ses copains. Juste après Dedicate This Heart, on aura Junior Walker and All Stars qui reprennent How Sweet It Is To Be Loved By You. Some lucky day, no drifting along, C'est une des premières stars de la Motown dans les années 60, Martha Reeves and the Vandellas avec Dancing in the Street, un morceau qui est resté dans l'histoire de la soul music juste avant. Junior Walker and the All Stars, eux aussi chez Motown avec How Sweet It Is to Be Loved by You. très très belle chanson de Dionne Warwick qu'on va retrouver maintenant, This Time Is Ours. C'est une chanson, je comprends pas personnellement pourquoi elle figurait pas sur l'album, parce qu'elle est très très belle. Elle, c'était une deuxième phase de 45 tours en fait. Et puis juste après, eh bien lui aussi était sur le même label, la même maison de disques à l'époque, Jermaine Jackson, le grand frère de Michael, avec ce qui a été un de ses plus gros tubes des années 80, Do What You Do. This time is ours, for as long as it's meant to last. Let's pray that time doesn't move too fast. When you love, how quickly the moments pass. This time is ours, and no one can take it away. Why live our lives for yesterday? It's too great a price to pay. How great it is when someone discovers there really is a magic time for lovers. It lifts your spirit, try. Let's pray that this feeling will never die. This time is ours, and we're only at the start. Maybe one day we'll have to part, but since you and I can't read the stars, let's be glad. You and I can't breathe the stars. crazy for you. You're crazy for me. How could something so right go so wrong? My love, said anymore. Your eyes couldn't lie, so long goodbye. Close the door. I was crazy for you. You were crazy for me. How could something so right go so wrong? My love, sweet love, tell me something I didn't do. Why does someone else have to pull you through? Did they steal for you. You were crazy for me. And how could something so right go so wrong? My love, c'était Jermaine Jackson dans Solid Gold dans les années 80 avec Do What You Do. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur votre radio. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de variété anglo-saxonne. Nous aurons un nouvel album fil rouge, comme l'était ce soir cette réédition de l'album de Dionne Warwick, No Night So Long, un album qui date de 1980. On va se quitter bien sûr avec un dernier extrait de cet album. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission sur internet sur solidgold.mypodcast.com et la chanson avec laquelle nous allons nous quitter s'appelle Only Heaven Can Wait. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. We know that it's all over. Still we haven't said goodbye. Pretending life is wonderful. Pretending you and I. Why do we stay together? We can't wait forever. Ever's too late. Only heaven. but love won't make it happen. Crying for love don't mean you care. Oh no, oh no. Only when love has ended can a heart be mended. Ever too late for love. Only heaven can wait for love. Heaven can wait for love. In horoscope, in true romance, in Playboy magazine. Can't wait for it.